Lettre 96e, Constantin à Agathoclès, Nicomédie, mars 305. Après un voyage aussi long que désagréable, je suis enfin arrivé ici avec Auguste il y a quelques semaines. Son état est inquiétant, quoique sans danger pour le moment. Ses médecins, ou plutôt son médecin, le même que Galerius lui a cédé, a déclaré qu'il n'y avait qu'une vie tranquille, éloignée de toutes les affaires qui pût le rétablir. Je ne décide point s'il a puisé cette assurance dans la profondeur de son savoir ou dans la politique de Galerius. Ce dernier nous a suivis depuis Smyrne pour ne pas perdre un instant, être présent partout et donner à ses actions comme à ses paroles une apparence de certitude qui en impose. Il a annoncé à la cour de Milan les mauvaises nouvelles de la santé de Dioclétien et Maximien soutient avec ce dernier une correspondance habituelle. Sa lonne n'est pas inutilement arrangée avec une pompe royale, j'en ai la conviction. Sa situation entre des pentes douces, proches de la mer, en a fait sans contredit l'endroit le plus délicieux de toute la Dalmatie. Dioclétien a montré la prédilection la plus prononcée pour ce séjour et l'a pressé autant que sa situation le lui a permis, l'achèvement du palais qui a tout à fait le caractère d'une retraite paisible où l'on veut se retirer après les orages et les fatigues d'une vie utile et glorieuse. Je vois tout ce qui va arriver, comme si une voix intérieure me le disait. Dioclétien va déposer les rênes du gouvernement, soit par sa propre volonté, soit à demi forcé par les circonstances. Il dira que c'est par philosophie et pour vivre plus tranquille. Mais cet astre si glorieux, pendant tant d'années, ne veut pas que l'univers voie son couchant moins brillant que son midi, et renoncer au sceptre du monde est encore un moyen d'étonner. Son gendre, Galerius, prendra le titre d'Auguste, et voudra gouverner bien plus despotiquement encore. Le bruit de cet événement s'est répandu tout à coup de tous côtés. Des messagers ont été envoyés partout pour préparer sourdement les esprits à cette étrange nouvelle. Tout s'agite, tout est en fermentation. L'ambition, la vanité, l'envie, semblables aux trois furies, sortent de leurs antres ténébreux. La curiosité se tourmente en suppositions, en attentes, et la foule oisive de la cour et de la ville s'en réjouit comme d'un spectacle intéressant qui doit lui procurer un passe-temps et des distractions. Depuis que ce bruit est devenu général, et que personne ne le désavoue, Galerius agit comme s'il était déjà le seul maître. Il pourrait bien se tromper cependant. Le titre d'empereur d'Orient ne renferme pas celui de souverain de la terre. Tous les Augustes ne sont pas des Dioclétiens. Un génie tel que le sien avait en lui-même des droits incontestables, indépendants de toutes les circonstances. Il est allé aussi loin qu'il est possible à un mortel. Et l'on ne peut nier que la nature ne crée quelquefois, mais rarement, des âmes privilégiées, faites pour guider, protéger, s'élever au-dessus de tout, vaincre tous les obstacles et soumettre le monde entier à leur irrésistible empire. Telle était celle de Dioclétien, mais telle n'est pas Galerius. J'ai appris ce que mon père avait préparé en secret pour moi, et les efforts inouïs de ta fidèle amitié et de ton zèle sans exemple, par les lettres que Vipsarius de Lauriacum m'a remises de sa part, et par les nouvelles verbales que la charmante Valérie m'a données comme un dernier legs de notre défunt ami. J'ai vu cette intéressante personne à Byzance. Au premier coup d'œil, j'ai reconnu une compatriote, une figure aussi svelte, un teint aussi blanc, des cheveux blonds, des yeux bleus, caractérise les beautés de ma patrie. Tout annonce en elle une insulaire de la Bretagne, tout jusqu'à cette expression de sensibilité profonde et cette douce mélancolie suite de ses malheurs. Elle est extrêmement malheureuse. La première prière qu'elle m'adressa comme à titre de frère, puisque nous avons eu le même instituteur, fut, lorsqu'elle aurait le bonheur de mourir, de faire transporter ses restes à Lauriacum et de les déposer auprès de ceux de notre cher et respecté Florianus. Elle paraît n'avoir que cette seule idée et n'être susceptible d'aucune autre consolation. Sa présence, sa tristesse, ont rouvert les blessures cruelles de mon cœur. Je ne pouvais m'empêcher de chercher à la voir, à l'entretenir, et je sortais d'auprès d'elle si triste, si abattu, si dégoûté de la vie, que je sentis enfin qu'il était absolument nécessaire de sortir de cet état et de chasser de mon imagination les images douloureuses dont j'étais obsédé et dont les funestes effets influaient sur ma conduite. Je serai bientôt devenu incapable des grands objets qui doivent à présent m'occuper et fixer toute mon attention. Valérie, qui m'inspire autant d'estime et d'intérêt qu'elle le mérite, me rendra justice, j'espère, et ne croira pas que le souvenir de notre ami me soit moins cher et moins présent, si j'évite les occasions d'en parler ou si j'en parle avec un calme dont elle est si éloignée, et si je la vois plus rarement. Il paraît que ses charmes et ses vertus ont entièrement gagné le cœur de son père. On dit qu'il veut la garder auprès de lui dans sa solitude de Salonne, et que c'est d'après cette résolution qu'il l'a rapprochée de lui et l'a reconnue publiquement pour sa fille. C'est encore une nouvelle preuve que son plan de résigner l'Empire est depuis longtemps dans son âme et qu'il a tout arrangé en secret à cet effet. C'est ainsi que l'homme sage et prudent nous donne un exemple que nous devons imiter. Il faut aussi préparer lentement et mystérieusement ce qui doit décider notre sort et celui du monde entier. Les difficultés doivent exciter le zèle. Nos puissants adversaires nous obligent à ouvrir les yeux et à déployer toutes les forces, toute l'activité, toute la sagesse dont nous sommes capables. Galerius n'est pas moins actif, je le sais très bien, mais l'événement montrera lequel aura pris les mesures les plus efficaces et les meilleurs moyens pour réussir. La première fois que tu m'écriras, donne-moi des nouvelles des légions que mon père a en Bretagne. Plusieurs légions romaines se sont réunies dans les Gaules à celles du pays. Elles sont à présent dispersées, mais on peut compter sur leur fidélité pour les rassembler si cela devient nécessaire. Il faut penser à tout, ne rien laisser au hasard, et en cas de malheur, nous assurer une honorable retraite qui n'est rien de commun avec la fuite et nous laisse le temps de reparaître avec de nouvelles forces. Mon séjour en Italie n'a pas été inutile. On travaille aussi dans l'empire de Maximien, sous ses yeux, et sans qu'il s'en doute, au grand plan dont le succès doit changer la face du monde. Le Sénat de Rome n'est plus ce qu'il était jadis. Depuis longtemps, sa gloire a disparu. Pourquoi devrions-nous, par faiblesse ou par ménagements inutiles, conserver un état de choses qui n'est plus qu'une ombre, qui tombe de lui-même en décadence et que l'esprit de sagesse a abandonné? L'empire de Rome est parvenu au point où il doit finir et renaître à une nouvelle vie, qu'il tombe et se relève bientôt glorieusement sous une autre forme et qu'une nouvelle ère commence dans l'univers. Mais pour détruire de fond en comble les anciennes habitudes, il faut absolument que le siège du gouvernement soit transféré ailleurs. Tes vues sur Byzance sont très sages. J'ai réfléchi sur les lieux mêmes à tout ce que tu m'as écrit sur ce sujet. Aucune ville ne convient aussi bien que Byzance pour être la capitale du monde, par sa position. Deux empires se touchent à peu près, et la mer offre des moyens assurés et faciles d'entretenir des relations avec le troisième. Mais un empire, une capitale, un souverain, un dieu... Agathoclès, tout doit se renouveler. Rien ne doit rester de l'ancien ordre de choses. Il ne faut laisser aux réfractaires ni objet de comparaison, ni point d'appui, ni aucune trace de ce qui existait avant ce bouleversement général. Étonnés, confondus, ils doivent d'abord contempler en silence cette nouvelle création, et lorsqu'ils seront revenus à eux-mêmes, l'ordre actuel sera si bien établi qu'ils ne pourront plus espérer de le changer, et finiront par s'y accoutumer. Ce n'est que de cette manière qu'on peut espérer d'étouffer le germe des malheurs passés, de changer les lois vacillantes et les maux incalculables d'un pouvoir partagé. Dès que la forme du gouvernement sera écrasée, viendra le tour du paganisme. Ces autels et ces divinités mensongères seront renversés pour jamais, et un nouveau culte, celui du seul et vrai Dieu, celui des chrétiens, se répandra sur la terre épurée. Tel est le tableau grand et sublime qui s'offre à mes yeux, et je crois de mon devoir le plus sacré d'employer toutes mes forces pour accomplir les desseins auxquels je suis appelé par l'Éternel. Adieu, mon ami.